Vivre de paix par la confiance en la providence divine. Un poète a écrit « Je crois, donc je peux dormir tranquille ». Vivre sans la communion spirituelle avec notre Père céleste est une immense solitude entrecoupée par des cris de détresse. L'apôtre Paul, écrivant aux premiers chrétiens, dit qu'avant de connaître le Christ comme leur sauveur, ceux-ci étaient sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il existe, au sens allégorique, des millions de sans-abri sur la terre. Et si vous ne connaissez pas votre Père céleste, vous êtes un sans-abri, car vivre sans Dieu, c'est habiter une maison sans toit. Le désespoir est la pire des détresses. Mais Jésus a dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et moi, je prierai le Père. » Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » L'abbé de Lamennais a écrit « Vous seul, mon Dieu, vous seul n'abandonnez point ceux qui espèrent en vous. Toujours vous êtes près d'eux pour les soutenir et les consoler. Jamais vous ne vous lassez d'entendre leurs gémissements, d'écouter leurs plaintes, de recueillir leurs larmes. Rien n'est au-dessus de votre tendresse. » Nous, les croyants, pouvons nous joindre de cœur à ces paroles. Ô Dieu éternel, vous êtes un océan tranquille où vivent et se nourrissent les âmes. Jésus-Christ est la fin de l'anxiété pour tous ceux qui ont confiance en lui. Dieu appelle ses enfants à une vie de foi, de confiance et à une vie sans inquiétude. Watchman Nee, un chrétien chinois, a écrit « Une vie de foi, c'est une vie vécue en croyant Dieu en toutes circonstances. » L'Esprit de Jésus est un esprit de sérénité. Nul besoin de forcer cette sérénité car elle nous est donnée gracieusement, simplement en disposant notre cœur dans une attitude de confiance. La confiance plaît à Dieu. Elle l'invite et le presse à intervenir. Voici, je vous dis un secret. Plus nous honorons Dieu de notre confiance, plus nous réjouissons son cœur. Et l'angle paternel de son cœur le pousse à honorer notre confiance en double. François de Sales disait « La confiance en Dieu vaut mieux qu'une légion de soldats. » La confiance en Dieu devrait être un mode de vie pour les hommes. François de Sales a écrit « Faites comme les petits-enfants qui, de l'une de leurs mains, se tiennent à leur père, et de l'autre cueille des fraises le long des haies. De même, amassant et usant des biens de ce monde de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main du Père céleste, vous retournant de temps en temps vers lui pour voir s'il approuve votre conduite dans les affaires ou vos occupations. » Voilà le vrai mode de vie pour lequel l'homme est fait. L'amour que le Père nous porte est un amour parfait. Un amour dont la mission est de chasser toutes nos peurs. L'Écriture dit que même lorsque nous nous sentons comme des aveugles, tâtonnant le long d'un mur, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Les gens qui ne savent pas comment combattre l'inquiétude de cette façon meurent souvent jeunes. Dès que l'homme cesse de s'entretenir avec le ciel, ce sont les soucis de la terre qui commencent à lui adresser la parole et à lui rompre la tête. Claudette Bourgoin a écrit « Quand le croyant fait une bonne méditation et qu'il est ainsi libéré des clameurs du monde, il sait qu'il se trouve entre les mains de Dieu et que son ultime destinée dans le monde, comme dans l'autre, est vraiment assurée quoi qu'il arrive. » Avec Dieu, un homme peut traverser la mer, mais sans lui, il est même risqué de traverser le seuil de sa porte. L'abbé de Lamennais a écrit « Semblable à un vaisseau, que le pilote voudrait diriger sans le secours des astres. Les peuples ont perdu leur route et ils ne la retrouveront qu'en regardant le ciel. » Pour le croyant, la foi en Christ est une ancre solidement attachée au royaume spirituel où Dieu évolue. Il arrive que nous nous croyions abandonnés de Dieu, mais ce ne sont que nos sentiments humains déchus et défectueux qui nous lancent de fausses impressions, car Dieu ne nous quitte jamais du regard. Le ciel est l'œil bleu de Dieu. François de Sales a écrit « Comme les oiseaux, où qu'ils volent, rencontrent toujours l'air, Ainsi, où que nous soyons, nous trouverons Dieu présent. L'esprit de foi nous enseigne que la vie n'est désormais plus un hasard, mais une école entièrement supervisée par Dieu où rien n'échappe à son contrôle. Louis Veuillot a écrit « Et si tout ici-bas ne tient qu'à un fil, Dieu nous fait assez voir qu'il veille sur ce fil. » Toutes nos leçons sont parfaitement contrôlées et les circonstances parfaitement distribuées pour le plus grand bien de notre développement. Le croyant est sur le chemin de Dieu et les enseignements les plus douloureux sont les meilleurs de tous. Le croyant, malgré les sentiments les plus noirs, n'échappe jamais à la bienveillante supervision de son Père céleste. Certaines épreuves d'épuration peuvent sembler cruelles, telles une maladie, la mort d'un enfant ou d'un époux. Mais soyons sans crainte. Nos bien-aimés nous seront un jour rendus par la résurrection. Selon qu'il est écrit, « Tu nous feras remonter vivants du séjour des morts. » Et encore, « Tu nous feras remonter des abîmes de la terre, » dit l'Écriture. L'Écriture dit encore, « L'Éternel fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. » Il existe une multitude de promesses semblables qui nous montrent bien le caractère temporaire du sommeil que nous appelons faussement la mort. Jésus a dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors si vous avez perdu un bien-aimé, sachez qu'un jour, vous pourrez le serrer à nouveau dans vos bras, en chair et en os. Il y a quelques années, mon oncle, atteint d'un cancer généralisé, attendait la mort à l'hôpital. Arrivé au stade où il se trouvait entre la vie et la mort de son corps, il a rendu le témoignage qu'il lui arrivait de voir des personnes circuler devant lui. Ces gens marchaient de long en large, lui semblaient simplement patienter calmement. Il avait vu le lieu que l'Écriture appelle le séjour des morts, un lieu d'attente et de repos où nos bien-aimés attendent le jour de la résurrection des corps et le jugement dernier. Cette expérience est très loin d'être isolée. Beaucoup ont rendu témoignage des mêmes choses. La résurrection des croyants est l'une des plus grandes et des plus consolantes promesses de Dieu. Jésus en a parlé en disant que le séjour des morts ne prévaudrait pas contre ses disciples, contre son Église. La foi et la confiance en un Dieu si aimable et si aimant vous feront jouir d'une paix que personne ne pourra vous ravir. Vous goûterez dès cette vie à une tranquillité égale à votre confiance. Le Maître a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » À propos de ce texte, saint Augustin a écrit, « Il nous donne la paix par-dessus la paix. Il nous laisse la paix avec laquelle, tant que nous la conservons, nous triomphons de l'ennemi. » Jésus nous a donné sa paix en héritage. Nous devons nous en approprier par la foi. Voilà ce qu'est vivre à proprement parler que de vivre dans une parfaite tranquillité d'esprit, et c'est mourir à toute heure que de vivre dans une inquiétude perpétuelle. Dans le psaume 4, au verset 9, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La tranquillité de la vie est toujours égale à la tranquillité de notre foi, selon qu'il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà ce que la Bible dit en Isaïe, chapitre 30, verset 15. Unis à Dieu par le cordon ombilical de la foi, nous devenons semblables à lui par la possession de sa sérénité. Cette précieuse paix dont nous jouirons sera en même temps pour nos âmes le gage de notre salut et de notre bonheur éternel. C'est pour le bonheur éternel que Dieu nous a créés. La confiance en Dieu est la fleur de la vraie piété, le secret d'une vie heureuse. Vu du côté du temps, certaines dispositions de la Providence ressemblent à une tapisserie regardée à l'envers. Il n'y a ni dessein, ni ordre, ni beauté. Vu du côté de l'éternité et à la lumière de Dieu, l'art se révèle et les beautés éclatent. Faites donc confiance en la Providence en toutes choses et laissons passer ce qui passe. En ouvrant les yeux chaque matin, parlez à votre Créateur, remettez-lui votre journée, L'habitude de dire quelques mots de prière chaque jour changera votre vie pour toujours. La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, a dit le Seigneur. » Le message que vous entendez présentement prouve hors de tout doute que vous êtes des appelés. Dieu a connu le cœur de chaque homme et de chaque femme avant même qu'il ne soit né. Dieu a choisi, dès l'éternité, les cœurs honnêtes auxquels il allait se révéler. Dieu décide de l'appel et l'homme décide de son élection. C'est l'homme qui prononce le oui. Les ténèbres enveloppent ce monde, mais si vous avez le cœur pur, la lumière poindra pour vous. Vous serez sensible à l'Évangile plus que les autres, et votre cœur se remplira d'un tressaillement en entendant l'Évangile de Jésus-Christ, votre Sauveur. C'est aujourd'hui le jour de votre salut. Levez vos têtes et laissez vos filets, car le Maître vous appelle. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Marchons donc joyeusement à la suite d'un tel guide. Quoi de plus honorable, de plus glorieux pour nous que de suivre le Seigneur et d'être parmi ses disciples choisis? Le monde peut-il nous offrir un honneur comparable à celui-là? D'autre part, rien ne saurait nous être plus avantageux, puisque de là dépend le repos de nos âmes, notre bonheur dans le temps et dans l'éternité. Le Padre Pio a dit « Je me sens fortement poussé à m'abandonner complètement à la divine providence. Ce qui m'arrive ne me trouble plus, que ce soit favorable ou non. » Prions. Mon Dieu, je ne connais pas le chemin de la paix et je ne savais pas même qu'il y en avait un. J'ai appris à connaître aujourd'hui un côté de toi qui me fait aimer. Je veux vivre sous tes ailes bienveillantes et me reposer à l'ombre de ta providence. Ta souveraineté sur toutes choses m'assure la paix au milieu de toutes les tempêtes à venir. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je me nourrirai de son Évangile. Je deviens aujourd'hui ton enfant et tu deviens ainsi vraiment mon Père. Amen.